Retraite de méditation Vipassana 2001. 11e jour. Hier, le vénérable Sayadaw nous a parlé du Brahman Sangharawa qui s'était un jour rendu chez le Bouddha pour lui poser certaines questions. Pendant tout un temps, il avait étudié des mantras tirés des écritures védiques et les avait mémorisés conformément à la tradition des Brahmanes. Pourquoi, demanda-t-il au Bouddha, certains mantras que j'ai mémorisés et souvent récités dans le passé ne me reviennent parfois pas en mémoire, sans parler de ceux que je n'ai jamais mémorisés? Et il posa une deuxième question, pourquoi certains mantras que je n'ai jamais récités me reviennent-ils parfois en mémoire, sans parler de ceux que j'ai mémorisés? Le Bouddha répondit par cinq exemples. Ce sont ces cinq exemples que le vénérable Sayadaw va nous expliquer. Brahman, dit le Bouddha, lorsque l'esprit est constamment oppressé et obsédé par le désir sensuel, lorsqu'on ne comprend pas parfaitement la méthode pour échapper au désir sensuel survenu dans l'esprit, on ne sait pas, on ne voit pas clairement ce qui est bon pour soi, ce qui est bon pour les autres et ce qui est bon à la fois pour soi et pour les autres. En conséquence, les mantras que l'on a souvent récités dans le passé ne se manifesteront pas dans l'esprit, sans parler bien sûr de ceux que l'on n'a jamais récités. Et le Bouddha poursuivit par une image. Imagine, Brahman, qu'il y ait là devant toi un bol d'eau dans lequel on a mis du colorant bleu ou rouge. L'eau a perdu sa limpidité. Même si on dispose d'une bonne vue, il ne sera pas possible d'y voir clairement son reflet. On ne se verra pas tel qu'on est réellement. Cet exemple s'applique tout à fait à la réalité. En l'absence de contrôle, c'est dans les objets sensuels, watu kama, que l'esprit va s'attarder. Si ce sont des visions agréables ou des sons harmonieux qui se manifestent, kama chanda nivarana, l'empêchement du désir sensuel va surgir. L'esprit prend une certaine couleur. Si c'est un parfum agréable ou une saveur délicieuse qui se présente, kama raga, l'avidité pour les plaisirs sensuels, va surgir et l'esprit, une fois de plus, se colore, même s'il c'est une autre couleur. Nous ne savons plus alors ni ce qui est bon pour nous, ni ce qui est bon pour les autres. Si on se complaît dans Kamaraga, l'avidité pour les plaisirs sensuels, on va se fourvoyer très facilement et on commettra des erreurs. En conséquence, on va se faire du tort à soi-même et aux autres. Si on laisse l'esprit vagabonder librement, on ne sera plus capable de discerner ni ce qui est bien pour nous, ni ce qui est bien pour les autres, ni ce qui est bien et pour nous et pour les autres. On va gaspiller son temps avec Kamaraga et on ne verra pas la véritable nature des objets. Si c'est dans Vyapada, la haine, la colère, la malveillance que l'on se complaît, lorsqu'un objet déplaisant va se manifester, Vyapada surgira, l'esprit sera déçu, frustré, en colère. Et comme on ne connaît pas la méthode pour échapper à la colère survenue dans l'esprit, on ne saura pas, on ne verra pas correctement ni ce qui est bon pour soi, ni ce qui est bon pour les autres, ni ce qui est bon à la fois pour soi et pour les autres. Et le Bouddha illustra tout ceci par un exemple. Imagine, Brahman, qu'il y ait là, devant toi, un bol d'eau qu'on a porté à ébullition. Même si on possède une bonne vue, il ne sera pas possible d'y voir clairement son reflet. Et les mantras que l'on a très souvent récités dans le passé ne nous reviendront pas en mémoire, sans parler de ceux que l'on n'a jamais mémorisés. Brahman, si on se laisse oppresser, obséder par Tinamida, la paresse et la torpeur, Et si d'autre part on ne comprend pas correctement la méthode pour échapper à Tinamida survenue dans l'esprit, on ne pourra ni voir ni comprendre clairement où est son propre bien, où est le bien des autres et où est le bien à la fois pour soi-même et pour les autres. Le Bouddha poursuivit par un exemple, imagine Brahman qu'il y ait là un verre d'eau recouvert d'algues et de plantes aquatiques. Même si on dispose d'une bonne vue, on n'y verra pas clairement son reflet. Lorsque l'esprit est obsédé et oppressé par Tinamida, les mantras que l'on a souvent récités dans le passé ne nous reviendront pas en mémoire, sans parler de ceux que l'on n'a jamais récités. Si on se laisse envahir et obséder par Udaccha et Kukuccha, Udaccha est traduit par agitation, Kukuccha est traduit par inquiétude, mais on peut également dire que Udaccha, c'est l'esprit qui ne reste pas fixé sur l'objet, qui est séparé de l'objet, et que Kukuccha, c'est le remords ou le regret. Le regret d'avoir fait des actions nuisibles dans le passé. Udaccha et Kukuccha sont toutes deux une forme d'agitation. L'esprit n'est pas calme. Lorsque donc on se laisse envahir et obséder par Udaccha, Kukuccha, et qu'on ne comprend pas correctement la méthode pour échapper à cette agitation et à ce remords survenu dans l'esprit, on ne pourra ni voir ni savoir où est son propre bien, où est le bien des autres et où est le bien à la fois de soi-même et des autres. En conséquence, les mantras, bien que récités fréquemment dans le passé, ne nous reviendront pas en mémoire sans passer de ceux qui n'ont jamais été récités. Le Bouddha poursuivit par un exemple, imagine Brahman qu'il y ait là devant toi un bol d'eau exposé au vent. Des rides vont apparaître à la surface de l'eau qui sera agitée. Même si on dispose d'une bonne vue, on ne pourra pas y voir clairement son reflet. Si on est oppressé et obsédé par l'agitation et le remords, les mantras que l'on a souvent récités dans le passé ne nous reviendront pas en mémoire, sans parler de ceux que l'on n'a jamais récités. Et enfin, le Bouddha donna un dernier exemple. Brahman, si on se laisse envahir, obséder et oppresser par le doute sceptique, visikicca, c'est le fait de ne pas voir la véritable nature de l'objet, d'être incapable de décider. On hésite à propos de la véritable nature de cet objet, l'esprit est perplexe. Lorsque donc l'esprit est obsédé et oppressé par visikicca, qu'on ne comprend pas clairement la méthode pour échapper aux doutes survenus dans l'esprit, on ne pourra ni savoir ni voir clairement où est son propre bien, où est le bien des autres et où est le bien à la fois de soi-même et des autres. Imagine, Brahman, qu'il y ait là devant toi un bol d'eau pleine de sédiments, une eau boueuse polluée, ou bien qu'on ait mis ce bol dans l'obscurité. Même si on dispose d'une bonne vue, il ne sera pas possible d'y voir clairement son reflet. On ne pourra pas se voir tel qu'on est réellement. Lorsque l'esprit est oppressé et obsédé par le doute sceptique, visikicca, lorsque l'esprit hésite, qu'il est indécis, il ne pourra pas voir les choses clairement. Tels sont donc les cinq dhammas négatifs auxquels correspondent cinq dhammas positifs. Lorsqu'on connaît la méthode pour noter et observer, chaque fois qu'on sera oppressé et obsédé, par exemple par le désir sensuel, on saura comment y échapper. Comme on comprend bien la méthode pour se libérer de Kamachanda, l'esprit va devenir pur, actif, énergique et on obtiendra les bénéfices de la pratique. Les mantras que l'on n'a jamais récités nous reviendront en mémoire, sans parler de ceux que l'on a souvent récités dans le passé. Ce sont là les bénéfices d'un esprit pur. Et c'est la même chose qui va se passer avec les quatre autres empêchements. Yoniso Manasikara, la réflexion sage, est ce que l'on recommande en général pour échapper aux cinq empêchements. Avec Yoniso Manasikara, les empêchements ne peuvent pas se manifester. Sa fonction est de diriger l'esprit vers l'objet. En général, on traduit Yoniso Manasikara par réflexion sage, mais cette traduction ne convient pas parfaitement dans ce contexte. Yoniso Manasikara n'est pas la méthode la plus sûre pour échapper aux empêchements. La méthode la plus sûre, c'est Satipatthana. Chaque fois que les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen ont lieu, nous devons noter et observer, conformément à la maxime, pratiquer la garde de l'esprit et noter attentivement tout ce qui se manifeste. Lorsque le mouvement de soulèvement a lieu, nous dirigeons l'esprit, nous le focalisons sur l'objet. Nous propulsons l'esprit vers ce mouvement. Il faudra pour cela fournir un gros effort. Mais cet effort n'est pas un facteur janique. Vichara, par contre, la friction de l'esprit sur l'objet, est un facteur janique, et ce facteur va libérer l'esprit de kama vitaka, les pensées sensuelles. L'esprit sera également libre de vyapada vitaka, les pensées de malveillance. L'esprit va s'ouvrir et se rafraîchir, il sera libre d'une partie des empêchements. Il va ainsi se purifier et se clarifier. Si l'attention est maintenue de façon continue, l'esprit va devenir encore plus limpide et plus pur. Il ne sera plus ni agité ni dissipé. Il ne sera plus séparé de l'objet et se libérera ainsi de udacha, l'agitation. Il n'y aura pas non plus de regret ou de remords pour les actions négatives passées, kukucha. Un esprit qui n'est agité ni par l'hésitation ni par le remords devient unifié. L'unification de l'esprit, c'est ekagata, un autre facteur janique. L'esprit est pur, il n'est plus ni pollué, ni dérangé, ni trouble. Au début de la pratique, même si elle était déjà présente, la foi n'était pas encore très développée. Mais lorsque le méditant se sera purifié des empêchements, comme par exemple Kamachanda Nivarana, l'empêchement du désir sensuel, son esprit va devenir encore plus limpide, il va se libérer de Visikicha, le doute sceptique. Et lorsque la pratique en est à ce stade, vitaka, le fait de diriger l'esprit vers l'objet, le premier facteur janique est présent. Vichara, le fait de frotter l'esprit sur l'objet, est présent également. L'esprit est libre de kamachanda, et ceci donne à piti, la joie, un autre facteur janique, l'occasion de se manifester. L'esprit va encore se calmer et se concentrer, et ceci va faire surgir sukha, le bonheur. Vitaka, vichara, piti, sukha et ekagata sont alors présents dans l'esprit. Lorsque ces cinq facteurs janiques sont dans l'esprit, on voit clairement que Satipatthana est la meilleure méthode, qu'elle est bonne à la fois pour soi-même et pour les autres. Celui qui pratique Satipatthana ne fait pas d'erreur, et il ne se fait donc de tort ni à lui-même ni aux autres. C'est pour cette raison qu'il est dit que Satipatthana est bénéfique à la fois pour soi-même, pour les autres, et pour soi-même et les autres en même temps. Ces cinq facteurs janiques, l'application initiale de la pensée, le maintien de la pensée sur l'objet, la joie, le bonheur et la fixité de l'esprit, sont donc présents dans l'esprit. Lorsqu'on se complaît dans les plaisirs sensuels, kamachanda, l'esprit est susceptible de se colorer à cause de kamaraga, l'avidité pour ses plaisirs. Mais kamaraga ne peut pas colorer un esprit qui est libre de kamachanda, le désir sensuel. Un désir libre de viapada, la colère, ne peut pas non plus être amené à ébullition. Un esprit libre de tinamida, la paresse et la torpeur, ne se recouvre pas d'algues ou de moisissures. Un esprit libre de udacha kukucha, l'agitation et le remords, ne peut pas être agité par le vent. Et enfin, un esprit libre de visikicha, le doute sceptique, la perplexité, l'hésitation, un tel esprit n'est ni pollué ni trouble. Lorsque donc l'esprit est libre de ces cinq empêchements, les mantras qui n'ont jamais été récités dans le passé vont nous revenir en mémoire, sans parler de ceux qui ont souvent été récités. Lorsque le méditant atteint le stade de la rapide apparition et disparition des phénomènes, Udayabeya Jnana, ces cinq facteurs janiques, Vitaka, Vichara, Piti, Sukha et Ekagata, se manifestent. L'enseignement que le Bouddha a donné au Brahman Sangharawa concerne donc directement la pratique méditative. Lorsque les yogis auront réalisé tout cela par eux-mêmes, que tout cela leur aura été confirmé par leur propre expérience, leur confiance va se renforcer. Essayons maintenant de présenter tout ceci d'une autre façon. Il y a donc les cinq facteurs janiques, les cinq jananga, et d'autre part, les cinq empêchements, les cinq nivarana. Les cinq facteurs janiques sont les antidotes directs des empêchements. Vitaka, l'application initiale de la pensée à l'objet, va largement ouvrir l'esprit. Il va le rafraîchir, le rendre actif et énergique. De cette façon, l'empêchement de tinamida, la paresse et la torpeur qui contracte l'esprit, diminue son efficacité, qui le rend confus et paresseux, sera contré. Vitaka, l'application de la pensée, est donc l'antidote de tinamida. Si vitaka est fort, tinamida devra céder la place. Mais si c'est tinamida qui est forte, vitaka devra céder la place. La paire suivante, c'est vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet, et le doute sceptique, visikicha. La nature de vichara, c'est d'atteindre la cible et de s'y frotter. Lorsque l'esprit se frotte à l'objet, il apprend à le connaître sous toutes ses facettes. La nature de visikicha, d'autre part, c'est l'hésitation, l'indécision, rien n'est sûr. Vichara et visikicha sont donc à l'opposé l'une de l'autre. Vichara est l'antidote direct de visikicha. Lorsque vichara est forte, visikicha cède la place, mais si c'est visikicha qui est forte, vichara doit céder la place. La paire suivante, c'est piti et viapada, la joie et la colère. Lorsque piti est présent dans l'esprit, la personne est joyeuse. Dès qu'il y aura contact avec un objet, la joie va se manifester. Mais lorsque c'est viapada qui est présent dans l'esprit, il réagira au contact sensoriel par la malveillance, l'aversion, la haine. On peut donc dire que piti, la joie, et viapada, la colère, sont une autre paire opposée. Lorsque piti est forte, viapada cède la place, mais lorsque c'est viapada qui est forte, piti devra céder la place. Avec piti, la tranquillité physique et mentale, kaya pasadi et chitta pasadi, vont se manifester. Et si la tranquillité est présente, elle amène le bonheur sukha. Sukha, c'est un autre facteur janique. Udacha et kukucha, au contraire, agitent l'esprit. Nous avons donc d'une part sukha, le bonheur et d'autre part Udacha et Kukucha, l'agitation et le remords, qui forment une autre paire d'opposés. Lorsque Sukha, le bonheur, est fort, Udacha et Kukucha doivent céder la place. Mais lorsque c'est Udacha et Kukucha qui sont fortes, le bonheur Sukha cède la place. Lorsque l'esprit se concentre, qu'il atteint l'objet, Ekagata, fixité de l'esprit, va surgir. Ekagata est à l'opposé de l'esprit qui se languit des objets sensuels, prisonnier de Kamachanda Nivarana, l'empêchement du désir sensuel. Nous avons donc d'une part un esprit calme et unifié qui dispose de Ekagata, et d'autre part un esprit qui se languit des objets sensuels, Kamachanda. Au cours de la pratique, Vitaka, l'application initiale de la pensée, Vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet, Piti, la joie, Sukha, le bonheur, et Ekagata, la fixité de l'esprit, ces cinq facteurs jhaniques vont se manifester tôt ou tard. Ceci sera tout à fait évident.